partageons le pain qui nous vient du ciel et buvons le vin de l'alliance éternelle. Témoignage divin d'un amour immortel. Merci Jésus, merci pour ton salut. Merci ô Jésus, merci pour la croix. Merci pour la croix. Ô Jésus, ta chair est meurtrie pour moi et ton sang précieux versé à la croix, et ton sang précieux répandu pour moi. Merci Jésus, merci pour ton salut. Merci ô Jésus, merci pour la croix. Merci Jésus, merci pour ton salut. Merci ô Jésus, merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix.